السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Suite à un impondérant, je ne vais pas être en capacité de donner cours durant l'heure habituelle. Malgré tout, on va prendre une partie, bi'idhnillah azza wa jal, et reprendre demain à 18h, insha'allahu ta'ala. Donc le sujet est ahkamun tata'allaq binihayati shahri sha'ban. Quelques règles relatives à la fin du mois de Sha'ban. Quelques règles relatives à la fin du mois de Sha'ban. Vous savez tous désormais que le mois de Sha'ban est un mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup. C'est un mois qu'il immensifiait. C'est un mois qui se trouve entre deux mois dans lesquels les gens ou auxquels les gens accordent beaucoup d'importance. Particulièrement le mois de Ramadan. Nous sommes aux portes du mois de Ramadan, wa nas'al Allah azza wa jal bimannihi wa karamihi an yuballighana ajma'in shahr Ramadan, et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous permette par sa grâce et sa générosité d'atteindre le mois de Ramadan. Mais il faut savoir que même si le prophète alayhi salat wa salam accordait de l'importance au mois de Sha'ban encore plus que les autres mois de l'année, en dehors du mois de Ramadan, et qu'il jeûnait le mois de Sha'ban pratiquement entièrement, il faut savoir qu'il y a des règles relatives à la fin du mois de Sha'ban. Premièrement, ceux qui ont des jours à rattraper. Ceux et celles qui ont des jours à rattraper. Il leur faut utiliser jusqu'au dernier jour du mois de Sha'ban pour rattraper avant l'entrée du mois de Ramadan. Puis, ceux à qui il reste des jours sont de plusieurs catégories. La première, la personne qui a du laxisme, la personne qui a été négligente, la personne qui pouvait rattraper, par exemple, elle avait 6 jours de menstrues. Elle pouvait rattraper, mais elle a été négligente. Elle a attendu jusqu'à la fin du mois de Sha'ban. Cette personne, on lui dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir de sa négligence, de jeûner ce qu'il reste du mois de Sha'ban, puis immédiatement après le Eid, qui dure un jour, immédiatement après le Eid, elle devra rattraper les jours manquants. Donc, il faut un repentir et il faut tout de même rattraper ces jours immédiatement après le jour du Eid, que nous n'avons pas la possibilité de jeûner. Il faudra donc rattraper. Certains savants disent même que si c'est par négligence, en plus de rattraper ce jour, elle devra nourrir un pauvre. Donc c'est une chose gravissime que de négliger le rattrapage des jours du mois de Ramadan. Le deuxième cas est le cas de la personne qui a une maladie dont on n'espère plus la guérison. Le cas de la personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner. Ces gens-là, ce qu'ils devaient faire, c'était nourrir un pauvre par jour non jeûné. Soit on prépare à manger et on donne un repas qui rassasie une personne et on déduit un jour. Soit on laisse plusieurs jours passer, on le fait d'un coup, soit on laisse le mois passer, on le fait d'un coup. Certaines personnes ne l'ont pas fait après le mois de Ramadan et ont attendu jusqu'à ce jour-là. Donc ils doivent s'empresser. De nourrir 29 pauvres ou 30 pauvres selon le nombre de jours que comprenait le mois de Ramadan de l'année passée. Si ça n'est pas de la nourriture préparée, alors on donnera de ce qui est communément consommé dans le pays, en France comme des pâtes, du riz et autres, à raison d'environ 1,5 kg par pauvre par jour non jeûné. Et dans ce cas-là, comme dit Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, il est bon d'ajouter des accompagnements, comme des légumes ou de la viande ou du poisson ou autre. Donc il faut faire cela avant la fin du mois de Ramadan. Il faut faire cela avant la fin du mois, du mois de Sha'ban. Avant la fin du mois de Sha'ban. Et il convenait de le faire après le mois de Ramadan pour ceux qui ont retardé. Le cas suivant, le cas de la femme qui était enceinte et n'a pas jeûné, ou qui allaitait et n'a pas jeûné. La femme enceinte et la femme qui allaite, on leur dit de jeûner. Mais celle qui ne jeûne pas, car elle est trop faible pour, car elle craint pour sa personne, car elle craint pour l'enfant, car lorsqu'elle jeûne, elle n'a pas assez de lait pour nourrir l'enfant, et ainsi de suite. Les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Certains disent, elle rattrape. D'autres disent, elle rattrape et elle nourrit dans certains cas. Et d'autres disent, si durant ses jours, elle n'a eu ni menstrues, ni loché, et que la cause est la grossesse ou l'allaitement, elle se suffira de nourrir un pauvre par jour non jeûné. Elle se suffira de nourrir un pauvre par jour non jeûné. Elle n'aura pas l'obligation de rattraper ce jour de jeûne. Mais elle se contentera de nourrir un pauvre par jour non jeûné à raison d'1,5 kg par personne. À raison d'environ 1,5 kg par personne. Et ça, c'est l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Et c'est un avis qui est très fort et retenu par des savants anciens comme des savants contemporains. Parmi les savants contemporains, le grand muhaddith Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc la femme peut se contenter de cela, sachant que il se peut qu'elle emmagasine le mois de grossesse, puis 2 années ou donc 2 mois d'allaitement. Ainsi, ça lui sera très difficile de rattraper 3 années de jeûne. Donc, voici pour ceux qui ont des jours à rattraper. Il y a ceux qui ont été négligents, il y a ceux qui sont malades et celles qui ont les menstrues, et enfin celles qui étaient enceintes ou qui allaitaient. Par contre, il est à savoir que la femme qui a eu ses menstrues durant le mois de Ramadan ou ses lochies durant le mois de Ramadan, ces jours-là, il n'y a qu'une solution, c'est de les rattraper. Il n'y a pas à nourrir de pauvres. Si ça a duré par exemple une semaine, ces jours-là, il faut les noter. Il n'y a d'autre solution si ce n'est de rattraper ces jours de jeûne. Rattraper ces jours de jeûne. Par contre, une fois les lochies arrêtées, par exemple, elle allaite, c'est pour le reste des jours qu'elle pourra nourrir un pauvre par jour non jeûné. Quant aux jours de lochies ou les jours de menstrues, il n'y a pas à nourrir de pauvres. Il faut absolument rattraper ces jours de jeûne. Donc ça, c'est concernant ceux à qui il reste des jours. Le deuxième point est quand est-ce qu'on doit arrêter de jeûner de manière recommandée? Nous avons dit que fait partie de la sunna du prophète alayhi salat wa salam, comme c'est mentionné en différents hadiths, qu'il jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. La sunna, c'est donc de jeûner le plus possible dans le mois de Sha'ban, même après sa moitié. Même après sa moitié. Mais sachez que 2 jours avant Ramadan, donc la nuit du doute et celle d'avant, il faut arrêter de jeûner. Il faut arrêter de jeûner. Pourquoi? Par rapport à deux hadiths. Par rapport à deux hadiths. Quant au premier, le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, qui nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Ne faites pas précéder Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours, exception faite d'un homme qui a un jeûne habituel, qu'il le jeûne. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner un jour avant le mois de Ramadan, deux jours avant le mois de Ramadan. Donc il faut cesser de jeûner à partir du 28 du mois de Sha'ban. Il faut cesser de jeûner à partir du 28 du mois de Sha'ban. Nous avons également la parole de Ammar ibn Yasir. De Ammar ibn Yasir. Donc c'est un hadith mawquf. Mawquf signifiant un hadith qui remonte jusqu'au compagnon. Un récit qui remonte jusqu'à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yarfa'uhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas, ce dernier ne dit pas, j'ai entendu du message d'Allah. Le messager d'Allah a dit. Ça c'est un hadith marfou'. Mais là c'est la parole du compagnon. On dit qu'il est mawquf. On dit qu'il est mawquf. Et parmi ces paroles-là, nous avons la parole de Ammar ibn Yasir. Radiallahu anhu wa an ali Yasir. Qal من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة قال ابن خزيمة هو صحيح وكذا ابن حبان رحمة الله عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه ندي Celui qui jeûne le jour du doute, celui qui jeûne le jour du doute, na'am, littéralement dans lequel on doute, aura certes désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim étant, comme vous le savez tous, la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura désobéi au père de Al-Qasim, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le premier fils s'appelle Al-Qasim. Ici, on voit que Ammar disait que c'est interdit de jeûner le jour du doute, alors que nous n'avons pas vu la lune. Alors que nous n'avons pas vu la lune. Le second hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ندي J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Lorsque vous la voyez jeûner, c'est-à-dire lorsque vous voyez la nouvelle lune du mois de Ramadan, jeûnez. Et lorsque vous la voyez, rompez le jeûne. C'est-à-dire lorsque vous voyez la nouvelle lune du mois de Shawwal, cela signifiera que le mois de Ramadan est fini. Alors rompez. Rompez le jeûne du mois de Ramadan. فَإِنْ رُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ Et si elle vous est cachée, alors complétez-le ou estimez-le. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Dans la version de l'imam muslim, فَإِنْ أُغْمِي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ Si elle vous est voilée ou cachée, alors considérez-le comme ayant 30 jours. C'est-à-dire, si on ne voit pas la lune le 29, il faudra considérer le mois comme étant complet. Il est à savoir qu'un mois lunaire se compose soit de 29 jours, c'est ce qu'on appelle un mois naqis, incomplet, ou de 30 jours, c'est un mois complet. Il n'y a pas 28, il n'y a pas 31 dans les mois lunaires. C'est soit 29, soit 30. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, si on voit la lune, on jeûne. Mais si on ne voit pas la lune, on considère le mois comme ayant 30 jours. Comme ayant 30 jours. Donc, dans un hadith chez Muslim, considérez-le comme ayant 30 jours. Dans un hadith de Bukhari, فَأَكْمِلُ عِدَّةَ ثَلَاثِينَ complétez le nombre jusqu'au 30e jour. Jusqu'au 30e jour. Et dans le hadith d'Abiraira, فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ complétez les nombres de Sha'ban, le nombre de Sha'ban comme ayant 30, jusqu'à 30 jours. Le grand savant, l'imam des contemporains, Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nous dit فَهَذِي الْأَحَادِيثِ كُلُّهَا تَتَعَلَّقُ بِدُخُولِ رَمَضَانِ وَخُرُوجِهِ وَصَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ. Ces textes sont relatifs à l'entrée du mois de Ramadan et sa sortie, ainsi que le jeûne du jour du doute. Il nous dit, on tire de ces textes, أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يومين ولا يومين. Il n'est pas permis de devancer le jeûne du mois de Ramadan d'un jour de jeûne ou de deux jours de jeûne. بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر. Mais nous avons l'obligation d'attendre jusqu'à avoir la certitude de l'entrée du mois. وهذا هو الواجب. Ceci est ce qui nous incombe. Et ceci est une adoration qui a été délimitée par la législation d'Allah. C'est Allah qui a légiféré ainsi. Ainsi, il n'appartient à personne d'y ajouter ce qu'Allah n'a pas légiféré. بَلْ يَجِبُ التَّقَيُّدْ بِشَرْعِ اللَّهِ فِي دُخُولِهَا وَخُرُوجِهَا. Nous avons plutôt l'obligation de se restreindre à ce qu'Allah nous a légiféré pour l'entrée du mois comme pour sa sortie. Pour l'entrée du mois comme pour sa sortie. Puis il y a une exception mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illa rajulun lahu adatun fayasum wa la bas. L'exception, c'est une personne qui a l'habitude de jeûner. Il ne jeûne pas par précaution pour le mois de Ramadan ou autre, non. Il a l'habitude de jeûner trois jours par mois. Il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Ibn Baz nous dit, dans ce cas-là, si ça tombe en concordance avec ces deux jours précédents Ramadan, fala bas an yasoma. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne son jeûne habituel. Par contre, s'il jeûne par rapport à Ramadan, dans ce cas-là, non. Tant que le mois n'est pas entré, il ne doit pas faire cela. Tant que la nouvelle lune n'a pas été aperçue, il ne doit pas jeûner pour Ramadan, avec l'intention de Ramadan ou par précaution pour Ramadan. Et si la nouvelle lune n'est pas vue, alors il doit attendre que le mois soit complété jusqu'au 30e jour. Jusqu'au 30e jour. Dans le cas où on ne voit pas la nouvelle lune, Ibn Baz nous dit, tous ces hadiths qu'on vient de mentionner prouvent qu'il n'est pas permis de jeûner le jour du doute et que nous avons l'obligation de compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Il n'y a donc que deux manières d'affirmer l'entrée du mois de Ramadan. Ainsi, on voit l'erreur commise par beaucoup de frères et sœurs, c'est de demander bien en avance, et alors c'est quand Ramadan? On ne peut pas savoir en avance, de manière sûre et certaine, quand est-ce que sera Ramadan. On ne peut pas savoir en avance. Et pour savoir quand est-ce qu'entre Ramadan, il n'y a que deux signes énoncés dans notre religion. La première, c'est la vision de la nouvelle lune. La vision de la nouvelle lune. Si un musulman ou une musulmane de confiance ayant une bonne vue, ou fiable ayant une bonne vue, témoigne avoir vu la nouvelle lune, alors il doit en informer. Il doit en informer les responsables qui transmettront l'information et on devra jeûner le lendemain. Et les prières, le mois commence, les prières commencent. La baraka de Ramadan commence. Et ainsi de suite. Dans le cas où on ne voit pas la nouvelle lune, le deuxième signe est de compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Et on est sûr que le lendemain est Ramadan. Pourquoi? Car un mois lunaire ne dépasse pas 30 jours. Il n'y a pas moins de 29 et il n'y a pas plus de 30. Il n'y a pas plus de 30. Voici ce qu'il faut savoir concernant la fin du mois de Ramadan. Donc, deux jours avant, il ne faut plus jeûner. Il ne faut plus jeûner, sauf deux catégories de personnes, ceux qui ont des jours obligatoires à rattraper et ceux qui ont un jeûne habituel. Ceux qui ont un jeûne habituel, comme ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi, comme ceux qui jeûnent trois jours par mois et ainsi de suite. Mais il ne faudra pas jeûner par précaution. Barakallahu fikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait beaucoup d'importance à la fin du mois de Sha'ban. Il faisait bien attention à l'entrée du mois et à scruter la nouvelle lune. Donc, on ne doit pas jeûner le jour du doute. Et dans le cas où le ciel est dégagé, il y a même le consensus quant au fait qu'on ne jeûne pas par précaution. Mais les savants divergent dans le cas où le ciel est nuageux, par exemple, où il y a du brouillard, où il y a une tempête de sable ou des choses semblables. Au maximum, on dira que c'est simplement permis de jeûner si le ciel n'est pas dégagé. Bien que ce qui apparaît des textes, c'est qu'il ne convient pas de le faire. Pour être en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'action de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il a fait un effort d'interprétation sans ordonner à autrui. Lui, si le ciel n'était pas dégagé, il jeûnait le jour du doute. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit: المقصود أنه لا يجوز أن يتعمد صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين. Il n'est pas permis de jeûner le jour du doute volontairement. Il n'est pas permis de viser le jour du doute par un jeûne. Et c'est le 30e jour, sachant que la nuit précède le jour. Que le ciel soit dégagé ou qu'il soit couvert. Il n'y a pas de différence. Quant à Abdullah ibn Omar, qui jeûnait dans le cas où le ciel n'était pas dégagé, l'avis prépondérant, le plus correct est de dire qu'il ne faut pas jeûner. Quant à lui, Abdullah ibn Omar, il le faisait. Et Ibn Baz nous dit, c'est un ijtihad de la part d'Ibn Omar. Mais ça n'est pas l'avis convenable. Quant à l'avis convenable et que les musulmans doivent attendre l'affirmation de l'entrée du mois par la vue, c'est-à-dire de la nouvelle lune, ou par le fait de compléter 30 jours. Ceci est l'obligation. Car les textes authentiques, les récits authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont explicites quant à cela. Donc on doit prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'y attacher. Si la nuit du 30, donc le 29e jour, si la nuit du 30, on voit la nouvelle lune, on jeûne le lendemain et on dit que ce mois est incomplet. Le mois sera de 29 jours. Si on ne voit pas la nouvelle lune, que devrons-nous faire alors? Nous devrons laisser le jeûne et ne pas précéder Ramadan et attendre de compléter encore le lendemain le jour du doute. Au coucher du soleil, nous serons alors la première nuit de Ramadan. Et le lendemain, le premier jour de Ramadan. Wallahu jalla wa ala awjaba ala ibadi sawm wa bayyana lahum hududah. فالواجب التقيد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Ibn Mas finit en disant, Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs le jeûne et a exposé ses délimitations, son entrée et sa sortie. Notre obligation, l'obligation est donc de se restreindre à ces délimitations fixées par Allah subhanahu wa ta'ala à travers la langue de son prophète sallallahu ou bien sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, le témoignage d'un seul homme fiable suffit pour l'annonce de la vision de la nouvelle lune. Et on étudiera tout cela incha'Allahu ta'ala prochainement. Car à partir de demain, incha'Allahu ta'ala, nous commençons une série de cours, traitant du mois de Ramadan, des mérites du mois de Ramadan, des règles du jeûne, quand est-ce qu'a été légiféré le mois de Ramadan, en quelle année, progressivement, les différentes étapes de son obligation, et comment on a accueilli comment a été accueilli ce pilier par les anciens musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les anciens, les pieux prédécesseurs, comment est-ce qu'ils occupaient leur journée, leur nuit, quels sont les mérites de ce grand mois, qu'avons-nous à gagner en adorant Allah azza wa jal durant ce mois. Tout cela sera étudié bi-idhnillah azza wa jal. Il y aura également d'autres conférences comme comment occuper sa journée et sa nuit dans le mois de Ramadan en cette période de confinement. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On l'a dit, on le répète, il faut se préparer pour le jeûne du mois de Ramadan, il faut se préparer avant d'entrer dans le mois de Ramadan avec une intention ferme de le jeûner et de parfaire l'adoration d'Allah dans ce mois à travers le jeûne et à travers la lecture du Coran et les aumônes et le délaissement des péchés. Deuxièmement, se préparer en se réjouissant de cette législation et de cette occasion de se rapprocher d'Allah et d'être élevé en degré, d'obtenir son pardon et sa miséricorde et de tirer profit des grandes bénédictions de ce mois. Et troisièmement, avec le repentir sincère, le regret, le délaissement de l'ensemble des péchés. Et pour finir, quatrièmement, le fait de s'instruire dans les règles relatives du jeûne du mois de Ramadan et des règles du mois de Ramadan. بارك الله فيكم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.